Bonjour tout le monde. Vous écoutez l'émission Milky Waves sur Vibration de 21h à 22h. Le Rafo Micro. Et cette semaine, nous avons un nouveau résident. Je dis résident parce qu'il reviendra régulièrement. Il s'agit de Banish. Alors nous découvrons tout de suite le premier morceau de la sélection de Banish pour cette semaine. Il s'agit d'un nouveau remix de Beyond Space, dont Banish n'est pas étranger d'ailleurs. Il s'agit de Book of Shade avec Love Drug, donc un remix Beyond Space, on écoute ça. Thank you. Nous venons d'écouter Book of Shade avec Love Dragon Beyond Space Remix. On enchaîne tout de suite avec le deuxième morceau de la sélection de Banish. Il s'agit du premier IP de la série Conjure sur le label Elum Audio de Maceoplex et Danny Days. L'artiste donc c'est Maceoplex et le titre c'est Conjure Drama. D'écouter Maceoplex avec Conjure Drama. Maintenant, nous allons découvrir un remix de la série Iconography sur le label berlinois Connoisseur Recordings. Il s'agit de Thor, T-H-O-R, et le titre Yellow Sky Over Reykjavik, un Baikal remix. On écoute ça. This is Milky Waves on Vibration.fm, 107.2 in Brussels. We'll be right back. C'était Thor avec Yellow Sky Over Reykjavik, le Baikal Remix. Vous écoutez toujours Milky Waves, l'émission de musique électronique sur Vibration.fm 107.2 Bruxelles. Alors, le morceau suivant de la sélection de Banish, c'est Marcus Wargul et Peter Pardeike. Pas facile à dire. Il s'agit de Lenoir, c'est un des derniers IP de 2013 sur le label Am et Dixon. On écoute ça. Thank you. Milky Waves on Vibration.fm 107.2 in Brussels. Nous venons d'écouter le titre Le Noix de Marcus Wargul et Peter Pardeike. À suivre sur Milky Waves, un excellent morceau, sans doute le meilleur du label peu connu Mighty Stuff Records. Il s'agit de André Leçon et le titre c'est Layla. C'est parti. Milky Waves. c'était André Leçon avec Leila. Nous entamons la deuxième moitié d'émission sur Milky Waves avec toujours Banish au platine et le Rafo micro. À suivre sur le label Matthew Decay et Liberich. Il s'agit d'un remix orchestral de Mathias Meyer et Pat Lack. L'artiste c'est Dilo, l'artiste original, et le titre c'est 21st Century Fox. On écoute ça. Voilà, nous venons de savourer le bon petit remix de Mathias Meyer et Patlak. C'était Dilo avec 21st Century Fox. À suivre, provenant du label Delicacies, il s'agit de Simian Mobile Disco et Roman. Le titre, c'est Ikizukuri, un alt mix. We'll be right back. voilà, c'était Ikizukuri, un alt mix de Simian Mobile Disco et Roman. C'était assez original comme morceau. Perso, j'aime bien. Vous écoutez toujours avec grande délectation Milky Waves sur Vibration.fm ou Vibration 107.2 Bruxelles. Le RAF au micro est toujours Banish aux platines. Et le prochain morceau de la sélection de Banish, c'est un tout tout bon remix de Vidistool, à nouveau sur le label Best Kept Secrets de Mario Bazanov. Il s'agit de Fabian Dikoff, c'est bien ça, Fabian Dikoff, et le titre c'est Blurry Faces. This is Milky Waves on Vibration.fm, 107.2 in Brussels. Alors, après notre Blurry Faces de Fabian Dikoff, remixé par Vidis, nous passons à Augustin Basulto, un des derniers releases sur le top label progressif Third Avenue. Et le titre, c'est Esperos Silenciados. Thank you. Venons d'écouter Espero Silenciados de Agustín Basulto. Alors, après Ikizukuri qu'on a entendu tout à l'heure, on a un nouveau titre à consonance asiatique. Il s'agit de Asakusa, ça c'est le titre. Et l'artiste c'est Tran et Théo. On monte le son pour les voisins, c'est pas mal du tout. Voilà, nous venons d'écouter le fruit de la collaboration de Tran et Théo, T-E-H-O. Il s'agissait de Asakusa. Nous approchons dangereusement des 22h, synonyme de la fin de notre belle émission Milky Waves. Alors, le dernier morceau de la sélection de Banish, il s'agit de Saul Button and Sash. Sash. S-A-S-C-H. Ils sont connus, hein, ceux-là. Le titre, c'est Unfold, c'est un Nick Devon remix. C'est le dernier hippie des remix sur le label Stay Yoyoke. Allez, on profite de ces quelques minutes qui restent sur Milky Ways. A tout de suite pour vous dire au revoir. Écoutez Saul Button et Sash pour Unfold, un Nick Devon remix. C'était le dernier morceau de notre émission hebdomadaire sur Milky Wave. Cette semaine, c'était Banish. Mais on se retrouve la semaine prochaine avec grand plaisir. D'ici là, soyez sages, mais pas trop. Passez une excellente semaine et on se retrouve dimanche prochain, 21h. Bye bye. Milky Wave.